blessure à peine refermée. Et avec une bonne lampée d'alcool sur nos plaies, et on s'use et l'on se fend pour des raisons qui nous semblent toujours évidentes. Sûr de nos ratures, de nos vies passées, sur un brouillon qu'on a toujours voulu bien recopier. Mais la riture et l'œuvre est si compliquée à n'être plus vraiment sûr pour s'y atteler. Et l'on s'use et l'on se fend pour des raisons qui nous semblent toujours évidentes. En soi, ce qui nous dérange, et on oublie ce que j'ai de toi, ce qui nous mélange. Et l'aube a ses raisons qui nous appelle, nous ramène. Et c'est selon à la mémoire de nos souvenirs enfouis qui nous rappelle à l'œuvre de nos vies. Et on s'use et l'on se fend pour des raisons qui nous semblent toujours évidentes. Et l'on s'use et l'on se fend pour des raisons qui nous semblent